Chapitre 13e. Scaramouche se trouva donc, la bourse dégarnie, au beau milieu d'une ville où il ne connaissait personne. Ses mains avaient beau voyager d'une poche à l'autre, elle n'y rencontrait même pas, à défaut de Carlini, la moindre croûte de pain desséché. Comme il rêvait au moyen de sortir d'embarras, il apprit qu'une troupe de comédiens venait d'être appelée à Palerme pour donner des représentations dans le palais du vice-roi. C'était, de toutes les planches de salut, la plus désirable pour lui. Il alla trouver sur le champ l'impresario de la troupe. Celui-ci, touché de sa détresse, mais n'ayant jamais entendu parler de son talent de comédien, l'admit par compassion, en qualité de gagiste, à raison d'un teston par jour. Dieu sait combien de temps Scaramouche eut langui dans cette infime position, car en ce temps-là, comme de nos jours, messieurs les comédiens, en jouissance d'emploi, n'avaient de plus grand souci que de tenir la carrière fermée à tous ceux dont le mérite aurait pu les exproprier de la faveur et des applaudissements de la foule. Mais Scaramouche avait de la chance. Son chef d'emploi mourut fort à propos. Il n'eut pas plutôt paru dans un rôle à sa taille que le public, oubliant non seulement le mort, mais encore les vivants, témoigna par l'enthousiasme de ses bravos qu'il l'adoptait pour son acteur favori. Devenu le premier après avoir été le dernier, il eut à subir, de la part de ses camarades, toutes les petites misères que put leur suggérer la jalousie. Mais il n'oublia point l'hospitalité qu'il en avait reçue et ne voulut tirer de ses envieux d'autre vengeance que de continuer à faire leur fortune. Scaramouche employait à la promenade les loisirs assez rares du théâtre. Il aimait surtout à parcourir la campagne aux environs de Palerme, non qu'elle fût par elle-même attrayante, mais à cause des magnifiques points de vue dont il jouissait du sommet des collines. Un jour, pourtant, ce fut une autre vue que celle de Bagaria ou du golfe de Castellammare qui excita son admiration. Une jeune fille, grimpée sur un fragment de rocher, essuyait ses cheveux qu'elle venait de tremper dans le ruisseau voisin. Scaramouche s'extasia d'abord à la vue de cette chevelure, noire comme l'aile d'un corbeau, et si longue qu'elle traînait sur le sol, malgré la hauteur de la pierre qui servait de piédestal à la Sicilienne. La beauté du visage répondait à celle des cheveux, et les bras étaient d'une grande pureté de forme que mettait en relief la grâce de leurs mouvements. La jeune fille continua sa toilette, sans se douter qu'elle eût un admirateur, ou du moins, elle feignit de ne pas s'en apercevoir. Mais il n'en fut pas de même d'une femme d'un certain âge, qui était assise à deux pas de Scaramouche. Celle-ci commença par observer silencieusement son voisin, puis, jugeant au feu de ses regards que le moment était favorable pour intervenir, elle lui dit « Il faut, Seigneur, que vous trouviez cet enfant bien à votre gré, pour que vous la regardiez avec tant d'attention. » C'est la mère, pensa Scaramouche. Si elle m'interpelle, ce n'est pas uniquement pour le plaisir de causer. Sous cette facilité à lier conversation, se cachaient une intention et une espérance. Il en est de même chez toutes les mères qui ont une fille à pourvoir. Scaramouche, voulant pousser l'aventure, répondit avec chaleur. « Je n'ai jamais rien vu de si charmant. » La signora est digne de l'admiration des faiseurs de sonnets les plus difficiles. Elle est votre fille, je suppose. Je vous en félicite. » Marinette est ma joie et mon orgueil, et j'ai la conviction qu'elle fera le bonheur d'un mari. Si vous étiez garçon et que la fantaisie du mariage vous vint en tête, il ne tiendrait qu'à vous d'en tenter l'expérience. Mon mari était un marchand d'amulettes. Sa mort nous a causé un grand préjudice. Mais si nous manquons de bien, nous avons toujours vécu avec honneur, Dieu merci. » Scaramouche ne put s'empêcher de penser que la dame allait un peu vite en besogne. Il garda le silence, mais elle ne parut point s'en offenser et elle reprit en souriant. « Je ne songe nullement, Seigneur, à vous mettre le pistolet sur la gorge. Prenez le temps de la réflexion. » « Je suivrai d'autant plus volontiers votre avis, » répondit Scaramouche, que je crois nécessaire de penser longuement à ce qu'on ne doit faire qu'une fois. Il est si difficile de trouver réunis dans une même jeune fille les trois qualités indispensables à la tranquillité d'un ménage. Quelles sont ces trois qualités, Seigneur? Une bonne femme doit être sans yeux pour ne point voir les amours de son mari, sans langue pour ne lui point répondre quand il la querelle, et sans oreille pour ne point écouter les fleurettes des amoureux. Or, votre fille ne me paraît ni aveugle, ni muette, ni sourde. Voilà le hic. » Tranquillisez-vous, reprit la mère en riant. Toutes les qualités que vous pouvez désirer, Marinette les possède. Elle n'a d'autre défaut que d'être pauvre. Et tant mieux, car c'est une méchante marchandise qu'une fille, lorsqu'il faut donner de l'argent pour s'en défaire. Si j'épouse la vôtre, ce sera sans dot, et par le seul amour que je lui porte. Sa beauté et sa vertu me tiendront lieu des plus grandes richesses. Marinette, qui avait fini de natter ses cheveux, vint rejoindre sa mère. Scaramouche sollicita et obtint sans peine la faveur de reconduire les deux dames chez elle. 15 jours après cette rencontre, l'aventure se dénouait par un mariage.